Les peuples se dispersent sur la terre. Les langues et les noms se déploient. 200 machins, déjà fait à l'histoire. La mer et les continents prennent leur voix. Tu écris l'humanité en famille, en frontières, en générations. Et chaque nom, même oublié, reste connu dans ta vision. Avant les royaumes et les nations, tu connaissais déjà leur chemin. Tu es le Dieu de toutes les nations. Avant les drapeaux, avant les frontières, un seul souffle traverse les peuples et monte jusqu'à la même prière. Tu es le Dieu de toutes les nations. Avant les langues, avant les temps. Et même quand les noms se divisent, ton regard reste le même sur l'enfant. Les villes se lèvent, les peuples marchent, les lignées s'étendent au loin. Tu es le Dieu de toutes les nations. Tu es le Dieu avant les drapeaux, avant les fronts, avant les frontières. Un seul souffle traverse les peuples et monte jusqu'à la même prière. Tu es le Dieu de toutes les nations. Traversera toutes les langues.